Troisième partie, chapitre 41, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote, par Saint François de Sales. Troisième partie, chapitre 41, instruction sur la virginité. Âme toute pure, je n'ai que deux choses à vous dire, car vous trouverez le reste ailleurs. Si vous attendez l'établissement d'un mariage, conservez avec un grand soin votre premier amour pour la personne que le ciel vous destine, car c'est une très grande tromperie que de lui présenter un cœur déjà possédé, usé et gâté par l'amour, au lieu d'un cœur entier et sincère. Mais si votre bonheur vous appelle aux chastes et virginales noces de l'agneau immaculé, conservez avec une grande délicatesse de conscience tout votre amour à ce divin époux, qui étant la pureté même, n'aime rien davantage que la pureté, et à qui les prémices de tout sont dues, mais principalement celles de l'amour. Les lettres de Saint Jérôme vous fourniront tous les autres avis qui vous sont nécessaires, et puisque votre état vous oblige à l'obéissance, choisissez un directeur sous la conduite duquel vous puissiez plus saintement et plus sûrement vous consacrer à la divinité. Fin du chapitre 41, troisième partie.